rentre au Place Clichy, 6h du mat. Allez, va bosser, toi, là. Tiens, toi aussi, là, va bosser. Et te retourne pas, surtout. Va bosser. Marche-moi dessus pendant que tu y es. Allez, va. Va donc, la France t'attend. Ah, va bosser, puisque le grand bal des manche-boules a commencé. Va donc, sucer la bite du grand capital. Ah. Tiens, toi, là. Viens donc toucher ma bosse. Ouais. Non, ça porte pas bonheur. Non, c'est la bosse du glandeur, ça. Qui grossit de jour en jour. Et de nuit en ennui. Telle une boule de pu. Qui enfle, qui prolifère. Sur le paletot des honnêtes gens, oui. Sur votre bon dos, monsieur, dame. À votre bon cœur, monsieur, dame. Cette vérole, cette verrue, sur la face pourtant bien maquillée d'une société purulente à souhait et puant la peur, la condescendance, l'hypocrisie, la liquide sénescence. Si je te hais, mais je te pisse à l'arrêt, moi. Et à chaque arrêt, de ray au mur, arrêt public. Allez, va. Va bosser pour payer tes impôts. Et renflouer les caisses de l'État, de ta mère patrie, ta mère patronne, et ton paternel national et nationaliste. Va bosser pour creuser encore tes cernes, que tu feras renflouer à leur tour de silicone. Va donc alourdir tes valoches, que tu te feras liposucer en même temps que te faire tirer les peaux. Va. Quoi? Tu plies? Tu fatigues? Oh, mais t'en chies pas assez, va. Courbe encore les chines pendant que je te conchis. Allez, démène-toi pendant qu'on te malmène et passe donc ton chemin pendant que moi, je me déchire avec tout ce qui passe. Allez, va. Quoi? Tu voudrais que j'y croie, moi? En cette poufiasse qu'on appelle la vie? En cette traînée qui m'a mise au monde? Mais à peine j'avais ouvert les yeux, qu'ils étaient déjà remplis de mouise. Et tu voudrais que j'espère, alors que mes congénères sont déjà tous plombés, condamnés, 6 pieds sous terre, à peine sortis de l'entrejambe de leur génie triste. Et alors, tu voudrais que j'ignore, qu'on me considère même pas comme de la merde, non? Même pas comme un moins que rien. Parce que la crotte, elle, on la considère, oui. On la regarde, on la sent, on l'évite bien habilement, la crotte. Moi, je suis tout juste un mégot sous ta godasse qui colle, tout dégueulasse. Là où t'oseras jamais aller foutre ton gros blaire. Là. Certains de mes potes, mes semblables, n'auront pas eu cette chance, non? La vie les aura consumés à petit feu, ils seront partis en fumée. Ah, ils sont bien fait baiser, tiens. Moi, fini de me faire baiser la gueule. Maintenant, je me baisse tout seul, ouais. Je m'encule. Je me noie dans ma poisse et ma crasse. Ouais, je m'enfonce. Je m'efface. Je me gomme, me désagrège, me désintègre. Dans cette société qui prétend avoir voulu m'intégrer, me réinsérer. Mon cul, ouais. Zobi, Marianne, belle salope. Ouais, idem, ces 3 frangines, là. Liberté, égalité, fraternité. Et leur mère maquerelle, la bonne vieille morale. Ah, c'est dégueulasse. Allez, va nous bosser, tiens. T'en as pas assez. Va. Ouais, je veux plus laisser à personne le soin de me détruire, non. M'anéantir sera mon dernier défi, mon hobby. Mon plaisir, jusqu'à mes derniers jours, ma dernière heure, mon dernier soupir. De toute façon, je suis déjà mort. Ouais, je suis déjà mort. Mais je dois encore souffrir, jusqu'au moment de la délivrance. Comme j'ai souffert toute ma vie, de vos appellations fumeuses et puant la bien-pensance administrative. Instable, assisté, incapable, surnuméraire, handicapé social, débile mental. Allez, va bosser, tiens, pendant que je te crache à la gueule. Va donc expier tes fautes et les miennes avec. T'as du boulot, mec. Quoi ? Que j'aimerais pas avoir une utilité aussi, moi, comme toi ? Hein ? Qu'est-ce que tu crois, quoi ? Que j'ai jamais rien foutu de mes 10 doigts ? Tiens, mets celui-là. Qu'est-ce que tu crois, quoi ? Que je suis bon qu'à ramasser le jus des autres ? Passer la serpillière et récurer les chiottes ? Hein ? Qu'est-ce que tu crois, quoi ? Que je suis pas capable de murer ? De poncer, d'empiler, d'empaqueter, d'empailler, de surveiller même, de massicoter, d'asticoter, d'en mancher. Qu'est-ce que tu crois, quoi ? Que je peux pas manœuvrer ? Que je veux pas œuvrer ?